Alors, parmi les sources quand même qui sont extrêmement importantes pour nous aujourd'hui, il y a un rapport. Et ce rapport a été rédigé par Patrice Flichy au printemps 1975. C'est un rapport que j'avais été extrêmement heureuse d'avoir à ma disposition dans le cadre de ma thèse. Je vous en remercie encore assez solennellement, puisque c'était vraiment un document très précieux qui s'intitule « Les groupes vidéo face au vidéoconsensus ». C'est donc un rapport que Patrice Flichy a rédigé, mais vous me corrigerez évidemment après, si je ne m'abuse, donc, qui était une commande du Conseil de l'Europe, pour le comité de l'éducation extrascolaire et du développement culturel. Et la thèse que vous souteniez dans ce rapport, moi, m'avait particulièrement intéressée, puisque vous suggériez, en fait, que la pratique des groupes vidéo était une pratique qui se démarquait sensiblement de celle des vidéo-animateurs, de la vidéo-animation, que vous assimiliez à l'époque au vidéoconsensus, donc dans le contexte des années 70. Et ce qui caractérisait, selon vous, mais je vous laisserai évidemment reprendre vous-même vos hypothèses de l'époque, mais ce qui caractérisait, semble-t-il, selon vous, les collectifs de vidéos militantes, était leur indépendance et donc une distinction, je dirais, par rapport aux approches relevant de l'appareil culturel d'État. Les objectifs auraient été radicalement différents, voire contradictoires. Donc c'est des choses qui, dans le cadre de ce séminaire, nous intéressent. C'est un rapport, je le répète, hein, qui date du printemps 1975. Donc évidemment, la période à laquelle ce rapport est écrit est très importante par rapport à ce qu'on pourra justement constater peut-être dans la seconde moitié des années 70 et puis aujourd'hui. Et puis dans ce rapport, vous proposiez une typologie qui me semble extrêmement efficiente, enfin qui moi dans le cadre de ma thèse, donc par rapport à des problématiques féministes, s'est révélée d'une remarquable efficacité. Donc vous proposiez une typologie entre trois fonctions principales du point de vue de la production et des modalités d'action en vidéo. Tout d'abord, vous proposiez de distinguer donc la vidéo-action, qui renverrait à la capacité de l'outil vidéo de pouvoir participer à un événement au moment même où une action politique se déroule. C'est l'idée que la vidéo puisse créer des effets localement, que l'intervention en vidéo puisse être immédiate, ce type d'action entraînant le plus souvent une absence de montage, ou du moins un montage peu élaboré. Ensuite, vous proposiez une autre modalité, une autre fonction, qui serait celle de la vidéo-analyse, qui, elle, tenterait de répondre aux critiques qu'on pouvait faire à l'égard des pratiques de vidéo-action, donc le côté immédiat, et qui constituerait, au contraire, consisterait finalement à faire le point sur une lutte en dégageant, par exemple, ses principales phases. On verra qu'il me semble que la pratique de vidéo-out au moment des conflits LIP au sein donc des chroniques de LIP, donc toute une série de vidéos réalisées entre 73 et 76 relèverait de cette tendance. Cela pourrait aussi chercher à constituer un dossier. Il me semble d'ailleurs que pour les Lefebvre, pour Vidéo 00, on est tout à fait aussi dans cette optique avec Commune, le temps de l'autogestion. Et puis, troisième modalité que vous proposiez de distinguer, le vidéotract, conçu, qui est un peu un intermédiaire d'une certaine manière, conçu pour être diffusé largement comme la vidéo analyse, mais qui serait plus bref, plus schématique, puisque l'enjeu dans l'urgence serait quand même de populariser une lutte de manière donc rapide et effectivement aussi efficace de manière immédiate.